Cette nuit-là, le temps changea complètement. Lorsque Coqueville s'éveilla le lendemain, un clair soleil luisait. La mer s'étendait sans un pli, comme une grande pièce de satin vert. Et il faisait chaud, une de ces chaleurs blondes d'automne. Le premier du village, la queue, s'était levé encore tout embarbouillé de ses rêves de la nuit. Il regarda longtemps la mer, à droite, à gauche. Enfin, l'air maussade, il dit qu'il fallait pourtant contenter M. Mouchel. Et il partit tout de suite avec Tupin et Brisemotte, en menaçant Margot de lui caresser les côtes si elle ne marchait pas droit. Quand le zéphyr quitta le port et qu'il vit la baleine se balancer lourdement à son amarre, il s'égaya cependant un peu, criant « Aujourd'hui, par exemple, Bernic, souffle la chandelle, jeune-ton, ces messieurs-là sont couchés !» Et dès que le zéphyr eut gagné le large, la queue tendit ses filets. Il alla ensuite visiter ses jambins. Les jambins sont des sortes de nasses allongées, dans lesquelles on prend surtout des langoustes et des rougets. Mais malgré la mer calme, il eut beau visiter un à un ses jambins, tous étaient vides. Au fond du dernier, comme par dérision, il trouva un petit maquereau qu'il rejeta rageusement à la mer. C'était un véritable sort. Il y avait comme ça des semaines où le poisson se fichait de Coqueville, et toujours dans les moments où M. Mouchel témoignait un désir. Quand, une heure plus tard, la queue retira ses filets, il n'amena qu'un paquet d'algues. Du coup, il jura, les poings serrés, d'autant plus en colère que l'océan avait une sérénité immense, paresseux et endormi, semblable à une nappe d'argent bruni sous le ciel bleu. Le zéphyr, sans un balancement, glissait dans une douceur lente. La queue se décida à rentrer après avoir tendu de nouveau les filets. L'après-midi, il viendrait voir. Et il menaçait Dieu et les saints en sacrant des mots abominables. Cependant, Rouget, Fouas et Delphin dormaient toujours. On ne parvint à les mettre debout qu'à l'heure du déjeuner. Ils ne se souvenaient de rien. Ils avaient simplement conscience de s'être régalés avec quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne connaissaient pas. L'après-midi, comme ils étaient tous les trois sur le port, l'empereur essaya de les questionner, maintenant qu'ils avaient leur bon sens. Ça ressemblait peut-être à de l'eau-de-vie avec du jus de réglisse dedans. Ah, ou bien, plutôt, on aurait dit du rhum, sucré et brûlé. Ils disaient oui, ils disaient non. D'après leur réponse, l'empereur soupçonna que c'était du ratafia, mais il ne l'aurait pas juré. Ce jour-là, Rouget et ses hommes avaient trop mal aux côtes pour aller à la pêche. D'ailleurs, ils savaient que la queue était sortie inutilement dans la matinée, et ils parlaient d'attendre le lendemain avant de visiter leurs jambins. Tous les trois assis sur des blocs de pierre, ils regardaient la marée monter, le dos arrondi, la bouche pâteuse, dormant à moitié. Mais brusquement, Delphin s'éveilla. Il sauta sur la pierre, les yeux au loin, criant « Voyez donc, patron, là-bas !»« Quoi ?» demanda Rouget, qui s'étirait les membres. « Un tonneau !» Rouget et Fouas furent aussitôt debout, les regards luisants, fouillant l'horizon. « Où ça, gamin ? Où ça, un tonneau ?» répétait le patron, très ému. « Là-bas, à gauche, ce point noir !» Les autres ne voyaient rien. Puis, Rouget poussa un juron. « Ah, nom de Dieu !» Il venait d'apercevoir le tonneau, gros comme une lentille sur l'eau blanche, dans un rayon oblique du soleil à son coucher. Et il courut à la baleine, suivi par Delphin et par Fouas, qui se précipitaient, tapant leur derrière de leurs talons et faisant rouler les cailloux. La baleine sortait du port lorsque la nouvelle qu'on voyait en mer un tonneau se répandit dans Coqueville. Les enfants, les femmes se mirent à courir. On criait « Un tonneau ! Un tonneau ! Le voyez-vous ? Le courant le pousse à grand port. Ah, oui, à gauche ! Un tonneau, venez vite !» Et Coqueville dégringolait de son rocher. des enfants arrivaient en faisant la roue, tandis que les femmes ramassaient leurs jupes à deux mains pour descendre plus vite. Bientôt, comme la veille, le village entier fut sur la plage. Margot s'était montrée un instant, puis elle avait regagné à toutes jambes la maison où elle voulait prévenir son père, qui discutait un procès-verbal avec l'empereur. Enfin, la queue parut. Il était blême. Il disait au garde champêtre « Fichez-moi la paix. C'est Rouget qui vous a envoyé pour m'amuser. Eh bien, il ne l'aura pas, celui-là. Vous allez voir. » Lorsqu'il aperçut la baleine à 300 mètres, faisant force de rame vers le point noir qui se balançait au loin, sa fureur redoubla. Et il poussa Tupin et Brise-Motte dans le zéphyr. Il sortit du port à son tour en répétant « Non, ils ne l'auront pas. Je crèverai plutôt. » Alors, Coqueville eut un beau spectacle. Une course enragée entre le zéphyr et la baleine. Quand celle-ci vit l'autre quitter le port, elle comprit le danger. Elle fila de toute sa vitesse. Elle pouvait avoir près de 400 mètres d'avance. Mais les chances restaient égales, car le zéphyr était autrement léger et rapide. Aussi, l'émotion se trouvait-elle à son comble sur la plage. Les mahés et les floches avaient instinctivement formé deux groupes, suivant avec passion les péripéties de la lutte, chacun soutenant son bateau. D'abord, la baleine garda l'avantage. Mais, lorsque le zéphyr eut pris son élan, on le vit qu'il a gagné peu à peu. Elle fit un suprême effort et parvint cependant quelques minutes à conserver les distances. Puis, elle fut de nouveau gagnée. Le zéphyr arrivait sur elle avec une rapidité extraordinaire. Dès ce moment, il fut évident que les deux barques allaient se rencontrer dans les environs du tonneau. La victoire dépendrait d'une circonstance, de la moindre faute. « La baleine ! La baleine ! » criaient les mahés. Mais ils se turent. Comme la baleine touchait presque le tonneau, le zéphyr, par une manœuvre hardie, venait de passer devant elle et de rejeter le tonneau à gauche, où la queue le harponna d'un coup de gaffe. « Le zéphyr ! Le zéphyr !» hurlèrent les floches. Et, l'empereur ayant parlé de traîtrise, il y eut de gros mots échangés. Margot battait des mains. L'abbé Radiguet, descendu avec son bréviaire, fit une remarque profonde qui calma brusquement le monde et le consterna. « Ils vont peut-être tout boire, eux aussi, » murmura-t-il d'un air mélancolique. En mer, de la baleine au zéphyr avait éclaté une violente querelle. Rouget traitait la queue de voleur, tandis que celui-ci l'appelait propre à rien. Les hommes prirent même leur rame pour s'assommer. Et il s'en fallut de peu que l'aventure ne tournât au combat naval. D'ailleurs, ils se donnaient rendez-vous à terre, en se montrant le poing, et en menaçant de se vider le ventre dès qu'ils se retrouveraient. « La canaille !» grognait Rouget. « Vous savez, le tonneau est plus gros que celui d'hier. Il est jaune, celui-là. Oh, ça doit être du fameux !» Puis, dans un accent désespéré, « Allons voir les jambins !» Peut-être bien qu'il y a des langoustes. » Et la baleine s'éloigna lourdement, se dirigeant vers la pointe, à gauche. Dans le zéphyr, la queue devait se fâcher pour contenir Tupin et Brise-Motte devant le tonneau. La gaffe, en brisant un cercle, avait amené un suintement d'un liquide rouge que les deux hommes goûtaient du bout du doigt et qu'ils trouvaient exquis. On pouvait bien en boire un verre, sans que cela tirât à conséquence. Mais la queue ne voulait pas. Il cala le tonneau et déclara que le premier qui le sucerait aurait à causer avec lui. À terre, on verrait. « Alors ? » demanda Tupin à Maussade. « Nous allons tirer les jambins ?»« Oui, tout à l'heure. Ça ne presse pas, » répondit la queue. Lui aussi caressait le baril du regard. Il se sentait les membres mous, avec l'envie de rentrer tout de suite, pour goûter à ça. Le poisson l'ennuyait. Bah, dit-il au bout d'un silence, retournons, car il se fait tard. Nous reviendrons demain. Et il lâchait la pêche lorsqu'il aperçut un autre tonneau sur sa droite, celui-là tout petit, et qui se tenait debout, tournant sur lui-même comme une toupie. Ce fut le dernier coup pour les filets et les jambins. On n'en parla même plus. Le zéphyr donna la chasse au petit baril, qu'il pêcha fort aisément d'ailleurs. Pendant ce temps, une pareille aventure arrivait à la baleine. Comme Rouget avait déjà visité 5 jambins, complètement vides, Delphin, toujours aux aguets, cria qu'il voyait quelque chose. Mais ça n'avait pas l'air d'un tonneau, c'était trop long. « C'est une poutre !» dit Fouasse. Rouget laissa retomber son 6e jambin sans le sortir complètement de l'eau. « Allons voir tout de même » dit-il. À mesure qu'ils avançaient, ils croyaient reconnaître une planche, une caisse, un tronc d'arbre. Puis, ils poussèrent un cri de joie. C'était un vrai tonneau, mais un tonneau bien drôle, comme jamais ils n'en avaient vu. On aurait dit un tuyau renflé au milieu et fermé au debout par une couche de plâtre. « Ah ! Il est comique !» cria Rouget ravi. « Celui-là, je veux que l'empereur le goûte. Allons, rentrons les enfants. » Et ils tombèrent d'accord qu'ils n'y toucheraient pas. Et la baleine revint à Coqueville au moment même où, de son côté, le zéphyr s'amarrait dans le petit port. Pas un curieux n'avait quitté la plage. Des cris de joie accueillirent cette pêche inespérée de 3 tonneaux. Les gamins lançaient leurs casquettes en l'air, tandis que les femmes étaient allées chercher des verres en courant. Tout de suite, on avait décidé de déguster les liquides sur place. Les épaves appartenaient au village. Aucune contestation ne s'éleva. Seulement, il se forma 2 groupes. Les mahés entourèrent Rouget, les floches ne lâchèrent plus la queue. « L'empereur, à vous le premier verre !» cria Rouget. « Dites-nous ce que c'est !» La liqueur était d'un beau jaune d'or. Le garde-champêtre leva le verre, regarda, flaira, puis se décida à boire. « Ça vient de Hollande, » dit-il, après un long silence. Et il ne donna aucun autre renseignement. Tous les mahés burent avec respect. C'était un peu épais, et ils restaient surpris à cause d'un goût de fleurs. Les femmes trouvèrent ça très bon. Quant aux hommes, ils auraient préféré moins de sucre. Pourtant, au fond, ça finissait par être fort au 3e ou au 4e verre. Plus on en buvait, plus on l'aimait. Les hommes s'égayaient et les femmes devenaient drôles. Mais l'empereur, malgré ses récentes querelles avec le maire, était allé rôder dans le groupe des floches. Le tonneau le plus grand donnait une liqueur d'un rouge foncé, tandis qu'on tirait du tout petit un liquide blanc comme de l'eau de roche. Et c'était celui-ci qui était le plus raide, un vrai poivre, quelque chose dont la langue pelait. Pas un des floches ne connaissait ça, ni le rouge, ni le blanc. Puis il y avait pourtant là des malins, mais ça les ennuyait de se régaler sans savoir avec quoi. « Tenez, l'empereur, goûtez-moi ça !» dit enfin la queue en faisant ainsi le premier pas. L'empereur, qui attendait l'invitation, se posa de nouveau en dégustateur. Pour le rouge, il dit « Il y a de l'orange là-dedans. » Et pour le blanc, il déclara « Ah ça, c'est du chouette !» On dut se contenter de ses réponses, car il hochait la tête d'un air entendu, avec la mine heureuse d'un homme qui avait satisfait son monde. Seuls L'abbé Radiguet ne semblait pas convaincu. Il voulait connaître les noms. Selon lui, il avait les noms au bout de la langue. Et, pour se renseigner tout à fait, il buvait des petits verres coup sur coup, en répétant « Attendez, attendez, je sais ce que c'est. Tout à l'heure, je vais vous le dire. » Cependant, peu à peu, on s'était égayé dans le groupe des Mahés et dans le groupe des Floches. Ceux-ci surtout riaient fort, parce qu'ils mélangeaient les liqueurs, ce qui les chatouillait davantage. Les uns et les autres, du reste, demeuraient à part. Ils ne s'offrirent pas de leur tonneau. Ils se jetaient simplement des regards sympathiques, pris du désir inavoué de goûter au liquide du voisin, qui devait être meilleur. Les frères ennemis, Dupin et Fouasse, voisinèrent toute la soirée sans se montrer les poings. On remarqua aussi que Rouget et sa femme buvaient dans la même tasse. Quant à Margot, elle distribuait la liqueur chez les Floches. Et, comme elle emplissait trop les verres et que la liqueur lui coulait sur les doigts, elle se les suçait continuellement. Si bien que, tout en obéissant à son père qui lui défendait de boire, elle s'était grisée ainsi qu'une fille en vendange. Ça ne lui allait pas mal. Au contraire, elle devenait toute rose, les yeux pareils à des chandelles. Le soleil se couchait. La soirée était d'une douceur de printemps. Coqueville avait achevé les tonneaux et ne songeait pas à rentrer dîner. On se trouvait trop bien sur la plage. Quand il fit nuit noire, Margot, assise à l'écart, sentit quelqu'un lui souffler sur la nuque. C'était Delphin, très gai, marchant à quatre pattes, rôdant derrière elle comme un loup. Elle retint un cri pour ne pas donner l'éveil à son père, qui aurait envoyé un coup de pied dans le derrière à Delphin. « Va-t'en, imbécile » murmura-t-elle, moitié fâchée, moitié rieuse. « Tu vas te faire prendre !»